Lise. Lise. Lise. Lisa. Lisa. Lisa ma Lisa, ce soir au cinéma, je n'ai pas eu l'impression que tu voulais de moi. Mais pourquoi donc es-tu venu avec moi? Rien que pour le film, pas pour être avec moi. Lise. Lise. Lise. Lisa. Oh Lise, oh ma Lise, j'espère que ça t'a plu. Je parle bien du film, pas mes regards tendus. Que tu n'as pas remarqué une seule fois d'ailleurs. Tellement tes yeux étaient dans ce film de malheur. Lise. Lise. Lise. Lisa. Lisa ma Lisa, merci de cette leçon. D'accord, je ne suis pas ton genre de garçon. Si je veux qu'une fille finisse entre mes draps, je ne l'inviterai plus au cinéma. Et puisque le 7e art te passionne, je te ferai un X ce soir au téléphone. Ma Lisa, si tu me suis jusque dans mon lit, je te montrerai RTL 9 la nuit.